visit. Double S on the track. John, peace. Dans mieux si t'as un trop gros coup. J'ai le permis camion. Elle a 100 millilitres de liquide dans la culotte. Elle peut même plus prendre l'avion. Si tu me cherches, ne sois pas bête. Tape mon blaze sur ta tablette. Je serai 9 mm. Tu ne seras plus donc fuck Hamlet. Je t'ai eu, tu le sais ce qu'il dit. Désolé ma belle. Si c'est pour me dire que c'est fini, t'aurais pu me le dire au bon PL. Si t'es une puta, si t'es un terment. Car au débordement, débordement, débordement, je fais une chicha, doucement. Je garde le comportement, comportement, comportement. Je suis dans la peau de Pablo. Je plane. Tu m'allumes comme un bédo. T'es ma flamme. Je brille comme un bling bling bling bling bling bling bling bling bling bling. Sur le toit du bling. J'ai des frères de lait, j'ai des frères de sky. Je n'ai personne en face, tu me fais baliser. Aucun rêve, mais mon arme n'a pu se réaliser. Tu crois que je suis très méga, prends jamais ta tort. Garde tous mes réflexes, même quand le métal dort. Redis-moi ce qu'on fait, une tournée complète. Un tapage complète, une pute médaille d'or. Size taille de Dakar, gros son patigeon. Chiriki d'Alger, Louchi d'Abidjan. Je fais un sac de congé, c'est l'enfant d'aluminium. L'empire du 9-3, multiplatinium. Tête de stone copée, et même les anges tous. Pas siècle de Kobe, je préfère qu'on mange tous. Je pense le train 40, je garde le cours instable. Je préfère ma rente, t'es si bon sous la Pablo. Je plane, tu m'allumes comme un bédo. T'es ma flamme. Je brille comme un bling bling bling bling bling bling bling bling bling bling. Sur le toit du building building building building building. Tout ce qui se voit est éphémère, tu le sais. Ce qui ne se voit pas est éternel, tu le sais. Pour faire des sous, j'ai plus le temps pour les embrouilles de quartier. Mon fils a quelques mois pour du Balmain Gucci Versace. Si tu savais comment j'ai trimé pour en arriver là, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas ma villa sur la French Rivera. La goulée t'as rien à toi, je drive. Et la mitraillette est yougoslave. 35 ans pour 1002, c'est grave. Travailler pour l'État, c'est être esclave. J'ai un tour d'avance, ils pensent que je suis en retard. Je leur mets des films, vous comme le père Fouettard. On achète ton père, ta mère, ton frère, ta soeur avec les sous du Qatar. Je plane. Tu m'allumes comme un bédo. T'es ma flamme. Je brille comme un bling bling bling bling bling bling bling bling. Sur le toit du